بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant aujourd'hui le cours 44 dans l'explication du Sharh de Kitab al-Tawhid du Sheikh Abd Rahman ibn Hassan rahimahullah qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin avec le commentaire de ce sharh du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala dans son livre Al-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin. Et là on continue donc l'explication du hadith de Hussein ibn Abdurrahman avec la question de la ruqya. Et maintenant on est rendu à la partie la partie du hadith dans lequel Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, il dit le hadith que Abdullah ibn Abbas lui a rapporté. Donc dans le hadith, dans l'histoire, il y a deux hadiths qui sont mentionnés. Le premier hadith au sujet de la ruqya, parce que c'est ces deux tabi'in qui sont en train de discuter entre eux. D'accord? Et si vous vous souvenez, au dernier cours, on expliquait c'est quoi l'histoire entre ces deux tabi'i, Hussein ibn Abdurrahman et Saïd ibn Jubayr. Hussein ibn Abdurrahman, il est allé visiter Saïd ibn Jubayr. Puis ils sont en train de discuter. Puis pendant la discussion, il dit, c'est-à-dire Saïd ibn Jubayr, il dit, lequel d'entre vous a vu l'étoile filante qui est tombée hier soir? Alors, Hussein ibn Abdurrahman, il dit, moi je l'ai vu. Puis il dit, mais pour clarifier son intention et pour faire comprendre que il veut pas se vanter par rapport au fait qu'il était debout en pleine nuit et de faire croire qu'il était en train de prier ou en train de faire des adorations, il a expliqué la raison pour laquelle il était debout, pour éliminer peut-être cette fausse impression de penser que il cherche à se vanter ou de se montrer ou de pour ne pas se faire glorifier pour quelque chose qu'il n'a pas fait. D'accord? Donc il a directement clarifié que il était resté debout non pas parce qu'il était en train de faire la salat mais parce que il avait été mordu par une bête, par un animal, soit un scorpion ou un serpent, c'est-à-dire un animal qui a du venin. Ça peut être une araignée aussi. Et il était affecté par qu'est-ce qu'on appelle al-huma. Al-huma, c'est lorsque quelqu'un est mordu par un animal. Il a dit l'odirto. Je me suis fait mordre par ce genre de bête. Alors, il a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il ne faut pas faire de ruqya excepté pour une ayn ou une al-humma. Des fois on mélange entre le terme humma et huma. Et humma c'est la fièvre, alors que humma c'est le poison, le venin des animaux. Et en tous les cas, la ruqya, on peut la faire, pas seulement pour ces deux choses-là, ça c'est mentionné dans le hadith, mais il y a d'autres hadiths qui clarifient que la ruqya, on peut la faire pour n'importe quelle maladie, n'importe quel mal ou problème qu'on a, que ce soit physique ou spirituel ou autre. Et du moment que c'est en accord avec la sunna et que c'est avec les versets du Coran et les hadiths, les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce cas-là, c'est toujours quelque chose de recommandé. Ensuite, Saïd ibn Jubayr lui a dit, t'as bien fait parce que tu t'es arrêté à ce que tu avais entendu comme preuve. Et le musulman dans l'islam, il doit apprendre justement à s'arrêter dans ce qu'il pratique de sa religion. Il doit apprendre à s'arrêter à la preuve, qu'est-ce qui est établi par le Coran et la Sunna. Et du moment qu'il a agi selon une preuve, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Et le hadith continue en disant: Walakin haddathana ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala 'uridat 'alayya al-umam. Donc ici dans cette partie du hadith, Saïd ibn Jubayr radiyallahu anhu, je dis radiyallahu anhu, mais en réalité on ne dit pas radiyallahu anhu pour autre que les sahaba. Ça, c'est la règle. On a le droit de le dire pour d'autres que les sahaba, comme étant un doua, une invocation. On souhaite l'agrément d'Allah pour quelqu'un. Donc, il n'y a pas de mal. Sauf que la coutume et l'habitude, et qu'est-ce qui est fait de façon générale, c'est de dire radiyallahu anhum. Hein, que Allah soit satisfait d'eux. Pourquoi on dit ça? Parce que pour eux, c'est pas seulement un doua, même si on le fait comme un doua aussi, mais en même temps, pour eux, c'est quelque chose qui est un fait, que Allah est satisfait d'eux, puisqu'il le dit dans le Coran. Il dit au sujet des Sahaba, radiyallahu anhum, Allah est satisfait d'eux. Donc, de mentionner la satisfaction d'Allah pour les Sahaba, ça c'est la règle. Tandis que pour les tabi'in, on dit rahimahumullah. Hein? Et donc, c'est ça. Donc, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, il dit, on m'a rapporté, haddathana, c'est-à-dire Ibn Abbas nous a rapporté. Et on voit que ici la chaîne de transmission, elle est courte, parce que entre Abdullah ibn Abbas, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Saïd ibn Jubayr, il y a combien de narrateurs? Il y a un seul narrateur. Pourquoi? Parce qu'il a entendu ce hadith-là de qui? De Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Donc, entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui est Abdullah ibn Abbas. Donc, les hadiths, les chaînes de transmission à l'époque des tabi'in, en général, elles sont courtes. Les chaînes de transmission à l'époque des tabi'in, elles sont courtes parce que l'époque qui les sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est courte. Et il n'y a pas beaucoup de générations entre eux et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, parfois dans le hadith, il y a juste une personne ou deux. Hein? Ou des fois, il y en a trois, mais c'est vrai, c'est jamais non, un grand nombre. Donc ici, on voit un exemple de ça. Il dit, hein, Saïd ibn Jubayr, il dit, « Haddathana ibn Abbas ». Tandis que les générations, quand les savants de hadith qui ont rassemblé les hadiths plus tard, par la suite, comme Al-Bukhari et Muslim, et l'imam Ahmad et d'autres, Abu Daoud, quand tu lis leur hadith, par exemple, ils vont mentionner le hadith, mais il y a beaucoup plus de narrateurs dans leur chaîne. Pourquoi? Parce que ils sont venus à une époque un peu plus tard, un peu plus éloignée, comme quelques générations après. Donc, il va y avoir dans leur chaîne de transmission parfois trois narrateurs, parfois quatre, parfois cinq, parfois six, ça dépend du hadith. Hein? Non, c'est parce que, par exemple, ils se sont transmis le hadith d'une génération à l'autre. Ah, Tu comprends? ok. Ouais, donc, le prophète, il a dit cette parole, puis le sahabi, le compagnon, il l'a transmis à un tabi'i, puis le tabi'i, il l'a transmis ensuite à une autre génération, tabi'i, tabi'in, et ensuite, l'autre, lui, il l'a transmis à une autre génération ensuite, jusqu'aux imams des hadiths. Naam. Donc, plus on s'éloigne, plus la chaîne de transmission, elle est plus longue. Naam. Donc, les hadiths, d'un côté, c'est plus facile à l'époque des tabéines de les mémoriser avec leur chaîne de transmission parce qu'il n'y a pas une grande chaîne de transmission. Et pour nous, des fois, quand on regarde ça, les hadiths avec les chaînes de transmission à notre époque, on regarde ça puis on dit, mais comment ils ont fait pour mémoriser tous ces noms-là et toutes ces chaînes de transmission avec les hadiths? Hein, comme si on trouve que ça devait être compliqué. Mais en réalité, quand tu comprends bien comme il faut la faire, tu réalises que c'est pas pour eux, c'était pas aussi difficile que ça l'est pour nous. Et une des raisons pour ça, c'est parce que lorsque c'est des gens que tu connais, hein, qui ont rapporté les hadiths, et des gens que tu as rencontrés, ou des gens dont tu connais l'histoire, eh bien, c'est beaucoup plus facile de mémoriser leur nom et de mémoriser leur hadith avec la chaîne de transmission que lorsque tu les lis, tu lis leur nom, mais tu sais pas du tout et tu n'as aucune idée de qui ces gens-là sont. Hein? Donc, si par exemple, des gens, par exemple, de Montréal que tu connais, je te dis par exemple, le frère, par exemple, Abu Mama, il a dit à Youssouf, hein? Et Youssouf a dit à, par exemple, Ibrahim, et Ibrahim a dit à Yaqub, et Yaqub a dit à, hein, à Daoud, wa alaykoum salam wa rahmatullah, que, hein, de dire à Suleyman telle, telle chose. Donc, ces noms-là, c'est des noms de personnes que tu connais. Donc, quand tu les mentionnes et que tu dis leur nom comme ça, c'est beaucoup plus facile de t'en souvenir puis de comprendre que lorsque tu mentionnes des noms, si je te dis Jaafar a dit que Idriss a dit que Souheib a dit que Ilyas a dit, puis là tu dis mais c'est qui ces gens-là? Tu les connais pas, hein? Donc c'est comme si tu parles de quelque chose et tu sens pas du tout aucun lien et aucun attachement, hein, à leurs paroles. Tandis que les ulama, c'est pas le cas pour eux. Et ça, c'est juste un exemple par rapport à ce sujet-là qui aide à comprendre un peu la façon que les ulama ont pu, disons, mémoriser plus facilement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit donc que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: On m'a présenté les nations. On m'a présenté les nations. Et le cheikh dit: Ba'duhum yaqul layla, laylatan, laylata kaza, ou fi makani kaza. Wa ba'du al-ulama yaqul la'allahu laylat al-isra, wa ba'duhum yaqul la'allahu ru'ya, la'allahu ru'ya ra'aha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa l'ahsan at-tawaqquf, li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yubayyin lana mata kana hadha. Donc, il dit ici le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: On m'a présenté les nations. Et il dit que certaines personnes, certains ulama, ils mentionnent que c'était dans telle nuit ou que c'était dans tel endroit. Et certains ulama, ils disent par exemple, peut-être que c'était dans la nuit de l'ascension, hein, Al-Isra. Et d'autres disent, peut-être que c'est une vision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue. Hein? Et le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est le mieux dans des choses pareilles? C'est de s'abstenir et de pas émettre d'hypothèses. Hein? De pas émettre d'hypothèses sur cette question-là. Savoir quand est-ce, à quel moment, dans quelle situation, à quel endroit. Puisque cela ne nous a pas été clarifié. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'a pas clarifié quand est-ce que ça s'est produit. Ensuite, le cheikh, il dit, La'allahu ru'ya, hein? Non, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Uridat alayya al-umam, hein? Ay ji'a bil-umam, fara'aytu an-nabiyya, wa ma'ahu ar-rajul, war-rajulan, lam yattabi'hu min qawmihi illa rajulun wahidun, أو رجلان فقط بقية الأمة لم يستجيبوا له. Donc il dit le cheikh ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, on m'a présenté les nations. C'est-à-dire les nations sont venues. Hein, c'est-à-dire c'est comme si il est sur il est dans un endroit où il voit passer les nations devant lui. Toutes les peuples des prophètes précédents. Chaque nation est précédée de son prophète. Et puis ils avancent. Donc il les voit arriver. Et il dit, On m'a présenté les nations et j'ai vu que certains prophètes sont arrivés. Et derrière eux, il y avait un seul homme ou deux. C'est comme par exemple. C'est juste pour donner une comparaison, pour faire comprendre un petit peu comment ça, de quoi ça pouvait avoir l'air parfois. dans l'imagination, dans le sens que quand tu vois, je ne sais pas si vous avez déjà vu les défilés des Jeux Olympiques, hein? Au début des Jeux Olympiques, il y a toujours des gens qui arrivent avec un drapeau, puis derrière lui, il y a ceux des athlètes de son pays. Ben, tu vois que dans certains pays, par exemple, il y a une personne qui tient le drapeau, puis il y a comme des centaines d'athlètes derrière lui. Hein, surtout quand c'est des grands pays comme des pays où il y a beaucoup de populations, comme par exemple la Chine, par exemple les États-Unis, le Canada, les pays européens, des pays comme ça où il y a beaucoup d'athlètes, dans différentes disciplines. Eh bien là, tu vois, la personne, elle tient le drapeau, puis derrière, il y a plein, plein, plein d'athlètes. Puis parfois, il y a un pays qui arrive avec le drapeau, puis tu vois derrière juste 3 ou 4, hein, une dizaine. D'autres, il y a peut-être juste un seul. Eh bien, c'est ça, en fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de mentionner. C'est comme s'il dit, il y a plusieurs nations qui sont passées devant lui, et à la tête de chacune de ces nations-là, il y a les prophètes, puis derrière eux, il y a les gens qui les ont suivis parmi ces nations-là. Ceux qui les ont suivis, ceux qui ont cru en leur message. Donc, il dit, j'ai vu le prophète avec qui il y avait seulement un ou deux hommes. Ça veut dire que parmi leur peuple, il y a seulement une ou deux personnes qui ont accepté de croire en lui et qui ont répondu à l'appel parmi cette nation-là. Et il dit, وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرُّهْدُ وَالرُّهْدُ هُمْ دُونَ الْعَشْرَةِ يعني لم يتبعه إلا ما دون العشرة والبقية على الكفر. Donc il dit, et il a vu un autre prophète qui était avec Ar-Ruhd. Et il dit que le mot Ruhd en arabe, ça veut dire un nombre qui est moins que 10. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas dans ce peuple-là plus que un groupe qui est moins que 10. Dans ce peuple-là, il y a seulement un petit nombre qui est moins que 10 ou plus bas que 10 qui ont cru en ce prophète-là. Et le reste de la population, alaykoum salam, Allah, le reste de la population, eux, ont été sur le kufr. Après, il a dit, وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Il dit, et le prophète avec lequel il n'y avait personne. C'est-à-dire, lui, il passe et il est tout seul. Il n'y a même pas une personne avec lui. Il est tout seul. Ça veut dire que le cheikh, il dit, يأتي يوم القيامة وليس معه أحد كل قومه على الكفر أبوا أن يستجيبوا له فهذا فيه دليل على أنه لا يغتر بالكثرة فإن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يعقلون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين الكثرة لا يغتر بها وهذا النبي يأتي وليس معه رجل أو رجلان ها ليس وهذا النبي يأتي وليس معه إلا رجل أو رجلان وبقية أمته كلهم عرضوه بعض الأنبياء معه 10 ها أو أقل وبعضهم ليس معه أحد وهذا دليل على أن الحق لا يعرف بالكثرة لأن أكثر الناس على الضلال وعلى الكفر بالله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Ok, on va lire ça et on va traduire ça. Le cheikh, il dit qu'il a vu donc le prophète qui est venu, il était tout seul. Il n'y avait personne avec lui parce qu'il n'y a personne de son peuple qui a accepté la foi. Ils étaient tous dans le coffre. Ils ont tous refusé de répondre à son appel. Et il dit, le cheikh, que ça, c'est la preuve qu'il ne faut pas se laisser tromper par la quantité, hein, ou le grand nombre. Est-ce qu'il a un nom? On n'a pas mentionné dans le hadith, il ne mentionne pas leur nom. Mais il mentionne le nom de certains, mais pas de ceux-là. Donc, il dit ensuite, il dit le cheikh, Il y a donc la preuve qu'il ne faut pas se laisser tromper par la quantité et de dire, ah, mais ça, c'est la majorité des gens qui font ça, donc ça veut dire, hein, si tout le monde font ça, alors il faut le faire nous aussi. On entend ce genre de discours-là de la part de certains musulmans qui ont une faiblesse dans leur compréhension de la religion. Ils disent, par exemple, comme par exemple, j'ai entendu des exemples de certains Saoudiens, par exemple, qui ont, par exemple, une mauvaise compréhension de l'islam et qui souhaitent que les Saoudiens suivent l'Occident. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Hein, parfois, on les entend dire ça. Ça, en général, c'est des djouhal, c'est des ignorants qui disent ça. Mais on l'entend malgré tout. Ils disent, oh, mais regardez, le monde entier, il fait ça. Puis nous, on est les seuls qu'on est en arrière ou on ne suit pas les autres. Et ils prennent ça comme un exemple. Et ça, qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer ici? Ça réfute cette parole-là. Parce que le cheikh, il explique que on ne doit pas se laisser tromper par la majorité ou par le grand nombre. De dire, ah, oh, mais parce que les gens, la majorité des gens, ils font telle chose, ça veut dire que ça, c'est ça qui est bien à faire. Ça, c'est faux. Hein? La majorité des êtres humains sur Terre sont des koufars. La majorité des êtres humains sur Terre sont des mouchrikines. Hein? Et si la quantité déterminait la vérité, alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que le shirk, c'est la vérité. Ça voudrait dire que le kufr, c'est la vérité. Et donc, est-ce qu'on va dire, parce que la majorité est sur le kufr, il faut suivre la majorité? Non, jamais de la vie. Le nombre n'a aucun rapport, hein, avec la vérité. Et s'il y a plus de gens qui croient et qui acceptent la vérité, tant mieux. Mais ce n'est pas une condition. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition que les gens soient les plus nombreux pour qu'ils soient sur la vérité. Et le cheikh, il donne comme exemple ici des versets dans le Coran à ce sujet-là. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que la plupart des gens, ils ne croient pas. Et la plupart des gens, ils ne réfléchissent pas, n'utilisent pas leur raison. Le verset 116 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si tu obéis à la plupart des hommes sur terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah ou du chemin d'Allah. Et le verset 102 dans Sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et nous n'avons pas trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de leur engagement, et nous n'avons pas trouvé chez la plupart d'entre eux, excepté qu'ils sont des pervers. Hein? Et nous avons trouvé que la plupart d'entre eux sont des pervers, des pécheurs. Donc ça, c'est la réalité de qu'est-ce que on constate dans qu'est-ce qu'il y a chez les êtres humains. Et donc on ne doit pas se laisser tromper par le grand nombre de personnes qui suivent le faux ou l'égarement, et de dire, oh, mais si c'était vraiment de l'égarement, il n'y aurait pas autant de gens qui le suivraient. C'est faux. Ça ne veut rien dire. Et regardez par exemple la société des koufars, et je pensais à ça l'autre jour. Si on regarde des vidéos ou des images de comment les gens s'habillaient et comment ils suivaient la mode, par exemple dans les années 60. Dans les années 60, les jeunes, comment ils s'habillaient dans les années 60, ou dans les années 70, ou dans les années 80, ou dans les années 90, hein? Ou dans les années 2000. Hein? Puis on prend ces images-là, puis on les met une à côté de l'autre. Et maintenant, supposons que quelqu'un des années 80, comment il s'habille, retourne dans le temps avec ses habits et arrive dans les années 60 avec la mode des années 80. Qu'est-ce que les gens des années 80 diraient de cette mode-là? Les gens se moqueraient de lui. Hein? Ils diraient, mais c'est quoi cette mode? C'est ridicule. Pourquoi il s'habille comme ça? Hein? Et ils diraient, oh, lui, il n'est pas à la mode. Et la même chose pour le contraire. Si quelqu'un des années 60, il arrive maintenant dans les années 80 ou 90 ou 2000 et il a la même mode que ces gens-là, les gens, ils disent, ah, oh, regarde comment ces gens-là, ils s'habillent comme dans les années 60. Ça, c'était une vieille mode, hein? Et ils se moquent de ça. Et quand tu réfléchis bien comme il faut, qu'est-ce que c'est la mode? Qu'est-ce que c'est une mode? Une mode, c'est qu'est-ce que les gens font parce que c'est la majorité. Hein? En général, c'est ça. Lorsque quelque chose devient à la mode, ça veut dire que tout le monde le fait. Et les gens, ils savent même pas pourquoi. Hein? Les jeunes, là, hein, il y a des jeunes comme ça, ils rentrent à la maison, ils sont allés à l'école, ils ont dit à leurs parents, oh mes parents, je dois faire telle coupe de cheveux parce que tous mes amis à l'école, ils ont tous cette coupe de cheveux et ça, c'est vraiment cool et ça, c'est vraiment bien. Il faut que je m'achète tel vêtement et telle marque de vêtements parce que tous mes amis à l'école, ils ont ce vêtement-là et tout le monde fait ça. Donc, il faut moi aussi que j'aie ce vêtement-là, il faut que j'aie cette marque. Et tu vois ça aussi même chez des adultes, hein? Les adultes. Tout le monde fait telle coupe de cheveux, tout le monde coupe leur barbe d'une telle façon, tout le monde fait leurs cheveux de telle mode, hein? Et là maintenant il y a différents styles. En même temps, des fois il y a telle mode, telle mode, telle mode. Chacun il suit la mode de son clan, hein? Puis tout le monde se ressemble entre eux, ils font les mêmes modes et ils se suivent ensemble. Donc c'est une question en général qui est une question de suivi et un suivi aveugle et en même temps, c'est relié à la quantité. C'est rare que quelqu'un va dire, il y en a parfois des gens comme ça, excentriques, ils veulent être différents. Ils veulent faire le contraire de tout le monde. Mais pas en se basant sur une guidance qui vient d'Allah, en suivant leur passion. Donc ils ont dit, ah, tout le monde a les cheveux noirs, les cheveux bruns, moi je vais faire différent, je vais mettre mes cheveux verts. Hein? Donc là, il va se mettre de la teinture, il va changer la couleur de ses cheveux. Il dit, moi, je veux pas être comme, je veux pas imiter personne. Alors là, tout le monde commence à mettre leurs cheveux verts. Alors là, ça devient comme une mode aussi. Hein? Donc il y a toujours un, comme on dit, ceux qui viennent créer les modes. Il y a des gens qui influencent et qui créent les modes et les autres qui les suivent. Et en général, ceux qui créent ces modes-là, c'est hein, des vedettes ou des koufars qui sont vus. Hein. Souvent, ces gens-là qui créent ces modes-là, c'est des gens qui ont un certain statut dans la société ou qui sont d'une certaine classe que les gens admirent hein, ou respectent. Quand quelqu'un de cette classe-là fait quelque chose, alors automatiquement, les autres vont vouloir essayer de leur ressembler et de faire pareil. Hein. Donc, ça, c'est pour dire que la plupart des gens, ils ne suivent que ce que les autres font. Et parce que les autres le font, c'est là que ça devient normal et correct. Si toi tu fais le contraire de qu'est-ce que la plupart des gens font, automatiquement on dit, ah lui là, il n'est pas normal, il n'est pas correct. Hein? Et c'est ça qu'on appelle la norme. D'accord? Mais nous, les musulmans, on ne suit pas une mode. On n'a pas le droit de suivre les modes. Et la façon dont on se base pour exprimer ou montrer notre identité, c'est selon les règles et les principes de l'islam. Et non pas selon les courants et les tendances et qu'est-ce que les gens font. Tu vas dire, oh, il y a telle chose, la majorité des filles musulmanes, elles portent leur voile de telle façon, puis elles l'accrochent de telle manière, puis elles portent de telle couleur, puis elles font de tel style, puis les frères, ils portent tel vêtement, donc moi je veux m'habiller comme ça. Ils font des modes, même entre les jeunes, parfois parmi les jeunes musulmans, ils veulent imiter des modes. Mais nous, on ne regarde pas des modes. On s'habille, hein, déjà dans les règles de l'islam et pour plaire à Allah. Et là, je donne l'exemple de l'habillement, mais cet exemple-là s'applique aussi à d'autres aspects. Parce qu'il y a des gens qui, même dans la croyance, même dans la religion, même dans les façons d'agir, dans le comportement, ils se basent sur les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que les autres ont accepté comme croyance, c'est ça qu'ils adoptent. Qu'est-ce que les autres ont adopté comme philosophie, c'est ça qu'ils adoptent. Qu'est-ce que la majorité de gens pensent, c'est ça qu'ils pensent eux aussi. Même si c'est en contradiction avec la révélation, même si c'est en contradiction avec l'enseignement des prophètes. Et c'est là que tu vois apparaître toutes sortes d'égarements et toutes sortes de kofr. Pourquoi? Parce que les gens disent, ah, oh, mais la plupart des gens aujourd'hui, ils acceptent l'homosexualité. Donc, il ne faut pas critiquer l'homosexualité. Il ne faut pas être contre. Hein? Ou bien la plupart des gens aujourd'hui, ils acceptent que tout le monde a le droit d'adorer qu'est-ce qu'il veut et d'être laïque. Donc, il faut être laïque parce que tout le monde est laïque. Donc, si je ne suis pas laïque, moi, je ne veux pas être accepté. Je ne veux pas être comme tout le monde et je ne veux pas ça. Donc, il faut que je me conforme. Hein? C'est la mentalité de conformisme, de vouloir être comme tout le monde, hein, et comme les autres, et de se faire accepter. Hein. La même chose aussi pour toutes sortes d'autres croyances dans la société et toutes sortes d'idées. Hein. Tout le monde est démocrate. C'est la démocratie, c'est bon, la démocratie, démocratie, démocratie. Il faut être démocrate, il faut voter. Non. Et là, toi, tu dis, non, moi, je n'accepte pas, c'est contraire à l'islam, et c'est contraire au Coran, et c'est contraire à la sunna, et c'est contraire aux principes de la religion. Et il n'y a pas ça dans la charia. Ah, toi, t'es pas normal. Toi, tu contredis tout le monde. Tu es contre la société. Conforme-toi. Sois comme les gens. Sois assimilé. Sois intégré. Sois ci, soit ça. Et tout ça, c'est des exemples communs. Les gens, par la pression de vouloir ressembler aux autres, hein, eh bien, ils veulent être dans la majorité. Toujours. Donc, il faut se débarrasser de cette mentalité-là. Le conformisme et toutes ces affaires-là. Nous, il faut être conforme à une seule chose. Et c'est d'être conforme au Coran et à la Sunna. Hein? Selon la compréhension de nos salafs. Et si on est conforme à ça, eh bien, peu importe que la société ne soit pas satisfaite de ça, eh bien, ça nous est égal. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est important pour le musulman, c'est que Allah soit satisfait avec lui, non pas que la société ou que les gens soient satisfaits avec lui. Hein? Donc ça, c'est le plus important à comprendre. Et donc, il y a un point qui est relié avec ça dans qu'est-ce que le cheikh, il explique maintenant. Il dit hein, que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le verset, mais la plupart des gens hein, sont pervers. La plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne sont pas croyants. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par la quantité. Et quand tu regardes que il y a des prophètes, par exemple, qui ont été suivis juste par une ou deux personnes, eh bien, ça c'est un exemple de ça. Ça veut dire qu'il y a deux personnes ou une ou deux personnes parmi cette société-là qui a accepté de briser d'une certaine façon le statu quo et de refuser de vouloir être comme tout le monde, hein, et de dire, moi, qu'est-ce qui est plus important que la société ou plus important que qu'est-ce que les gens font autour de moi, c'est d'être en accord avec qu'est-ce que mon créateur a voulu. Et cet homme-là est un messager, un prophète envoyé par mon créateur. Et par conséquent, je vais croire en lui et je vais le suivre, même si ça dérange et même si ça déplaît à tout le monde sur la terre. Hein, ça m'est égal. Hein? Donc c'est ça, cette attitude-là que le croyant il doit développer, hein? De savoir que il ne voit rien d'autre d'important à suivre dans sa vie en dehors de sa religion et des enseignements et des ordres qui viennent de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur des cieux et de la terre. Et donc, quand on regarde le fait que toutes les autres personnes de cette société-là ou de cette communauté-là ont opposé les messagers, ont refusé l'appel des prophètes, eh bien là, ça c'est un signe. Hein? Ça c'est un signe. J'écoutais dernièrement, je lisais un article dans l'Internet qui est paru dans un journal. Un chroniqueur qui dit en général qui dit beaucoup de bêtises et il critiquait le fait que certaines marques avaient glorifié des femmes pour le voile ou pour le hijab, soi-disant. Et comme vous savez maintenant, ils font des soi-disant des hijabs sportifs, entre guillemets. On sait très bien que ça, c'est pas du tout des hijabs qui respectent la charia parce que. Ça, ça, ça doit être ample, le hijab doit être ample et ne doit pas dévoiler ou mouler les contours de la silhouette et les formes du corps. Or, ça, c'est des vêtements qui sont moulants et qui sont, disons, collés sur le corps. Donc, par conséquent, ça ne respecte pas les conditions du hijab qui est en accord avec la charia. Mais ils ont quand même voulu mettre ça de l'avant. Les koufars sont enragés et fâchés par cette image-là. Et certains d'entre eux qui disaient: Oh, pourquoi vous essayez de montrer que ces femmes musulmanes-là, c'est elles qui sont courageuses? C'est pas elles les courageuses. Les vraies courageuses, c'est celles qui ont risqué leur vie pour l'enlever dans des pays où, si elles ne le portent pas, elles vont être opprimées ou des choses comme ça. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait mensonger, qu'est-ce qu'il dit? Parce que quand tu réfléchis bien comme il faut, les femmes musulmanes qui refusent de le porter dans les pays musulmans, eh bien, c'est parce que elles refusent de respecter l'engagement qu'elles ont pris avec leur Créateur lorsqu'elles ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, lorsque quelqu'un il a un engagement avec son Créateur et qu'il est ordonné par son Créateur de pratiquer et de mettre en pratique les enseignements de sa religion, après avoir pris un engagement avec Allah, hein, en disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et par la suite la personne, elle prend cet engagement-là et elle dit oui, je vais lui obéir, puis par la suite elle veut pas le faire et que on lui dit mais il faut le faire et c'est obligatoire de le faire. Alors là, par la suite, elle veut se rebeller. Donc là, c'est pas une question de courage, c'est une question de, disons, de désobéissance, hein? De désobéissance. Et c'est une question de rejet de la vérité. Donc ça n'a pas rapport avec du courage dans ce cas-là. C'est au contraire, hein, celui qui, lorsqu'il veut mettre en pratique les choses que son Créateur lui a ordonné de faire et il a pris l'engagement de les faire, puis qu'il fait tout pour le faire, mais qu'on veut tout faire pour l'interdire, hein, lui interdire de le faire, et surtout lorsqu'il est dans une société qui, elle, va dans le sens totalement opposé et contraire de cet ordre-là, alors là, ça demande du courage, effectivement. Hein, donc toutes les femmes qui portent le hijab, qui portent le djilbab, qui portent le niqab dans des sociétés non musulmanes ou dans des sociétés où la majorité ne le porte pas, elles sont vraiment les courageuses, ces femmes-là. Et c'est vraiment elles qu'il faut encourager et c'est elles vraiment qu'il faut féliciter pour qu'est-ce qu'elles font et que Allah les récompense parce que c'est une preuve de leur foi. Et ça montre que dans la voie de l'islam, c'est la voie de la soumission à Allah. Et que lorsque quelqu'un veut entre dans l'islam, il choisit la voie de la soumission. Et par conséquent, il va changer tous les aspects de sa vie, y compris la façon dont il s'habille. Hein? Même si il veut s'habiller autrement, il va pas le faire. Il va respecter les règles d'Allah et s'habiller comme Allah l'a ordonné. Et ça, je dis ça comme un exemple parce que ça a rapport avec quelque chose d'assez redondant là, dans les sociétés occidentales. Ils critiquent tout le temps le voile dans l'islam et le hijab. Et ils en font même le centre, hein, de leur attaque contre la religion et contre les femmes musulmanes. Donc c'est important d'en parler. Et en même temps aussi, surtout quand on voit par exemple que la mode des koufars par rapport à l'habillement des femmes, c'est une mode qui est basée sur, en grande partie, l'idée de koufre, de dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut, puis tout le monde peut s'habiller comme il veut, puis faire ce qu'il veut, alors que l'islam dit non, on est des esclaves d'Allah, et donc on n'a pas le choix de s'habiller que de la façon que Allah a voulu. Et on n'a pas le droit d'adorer Allah, excepté par la façon que Allah nous a ordonné de l'adorer. Et on est des esclaves d'Allah, donc on doit se soumettre à ses commandements et à son ordre, et non pas d'obéir à des créatures. Hein? Dans qu'est-ce qui désobéit à Allah ou dans qu'est-ce qui déplaît à Allah. Donc tout ça, c'est des exemples. Le cheikh, il dit, par rapport aux autres prophètes, certains qui ont été suivis par 10 personnes ou moins que 10, hein? Et d'autres prophètes qui étaient suivis par personne, c'est-à-dire il n'y a personne qui ont accepté de la vérité, c'est la preuve qu'on ne détermine pas la vérité par rapport au nombre et à la quantité. Hein? Et je me rappelle, yani, j'ai grandi comme ça dans cette société-là, où quand on était dans une classe, par exemple, et que par exemple, les gens disaient leur point de vue, en général, tu vois que leur point de vue, ils vont toujours converger vers le même point. Tout le monde dans la société, ils ont comme une sorte de conformisme qui les ramène à vouloir toujours être approuvés par les autres et de dire ce que les autres disent. Puis quand toi, tu viens et que tu défends la position qui est établie par rapport à ta foi, par rapport à la croyance des messagers et des prophètes, automatiquement, tous les gens, ils vont se mettre contre toi et tu vas sentir cette pression-là. Hein? C'est fort, mais il faut savoir comment résister, il faut savoir comment refuser et il faut savoir comment réfuter aussi. Parce qu'il y a des réponses, il y a des réfutations à donner. On est capable de les remettre à leur place, ces gens-là, en leur prouvant que leurs positions sont fausses. Mais pour être capable de faire ça, il faut avoir de la science. Il faut apprendre ta religion comme il faut. Et il faut connaître aussi des arguments rationnels qui vont supporter qu'est-ce que tu donnes comme argument religieux aussi, pour leur mettre une preuve plus convaincante qui va les bloquer complètement ou qui va les empêcher de rétorquer. Donc c'est ça en fait. Hein? La réalité, c'est ça qui est important. Et celui qui est une personnalité faible ou qui est uniquement matérialiste, qui pense qu'à la dunya ou qui pense qu'à ses intérêts matériels, il ne va pas se casser la tête avec ça. Lui, il veut juste se faire accepter, marcher dans le même sens que tout le monde. Puis, une fois que les gens sont satisfaits de lui, il obtient ce qu'il veut et le reste, ça lui est égal. Hein? Mais ça, c'est pas la bonne attitude. C'est pas l'attitude que Allah nous a ordonnée et que les prophètes nous ont montrée. Au contraire, les prophètes ont été ceux qui ont le plus subi de difficultés et d'épreuves à cause justement de leur opposition, hein, avec la mentalité des gens qui refusaient la foi. Ils ont toujours subi des épreuves à cause de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement le fait que yani, la quantité n'est pas une preuve, hein, de qu'est-ce que ces gens-là font, que c'est la vérité, parce que la plupart des gens sont dans l'égarement et dans le kufr. Et il dit dans le verset 103 dans Sourate Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, c'est-à-dire, même si tu le souhaites ardemment, et même si tu veux faire beaucoup d'efforts pour changer ça, la plupart des hommes ne sont pas croyants. La plupart des hommes ne sont pas croyants. C'est une réalité. D'accord? Et c'est une triste réalité. C'est sûr qu'on voudrait que ce ne soit pas comme ça, mais c'est une réalité. Donc, il faut, par conséquent, ne pas vouloir être dans l'attente de l'acceptation des gens. C'est sûr que nous, on a tous, au fond de soi, l'envie d'être accepté des autres. On a tous, au fond de soi, l'envie de plaire aux autres et que les autres soient contents de nous. On a tous envie de ça. D'accord? Sauf que ça ne doit pas être au prix de notre foi, au prix de notre religion, que tu vas dire, je veux satisfaire les autres à tout prix. Et je vais tout faire pour que les gens soient satisfaits de moi et contents de moi, peu importe qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tu adores les gens. Hein? Tu n'adores pas Allah. Et quand tu réfléchis bien à ça, hein, tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rien qu'il a dit, yani, walan tarda anka al-yahoud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et ça veut dire que tu ne dois pas chercher yani, la satisfaction des hommes, mais la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Donc même aujourd'hui, là, dans certains médias, par exemple, si t'es un musulman, puis que tu dis à la caméra ou au micro, tu dis à un kafir, à un journaliste ou quelque chose comme ça, oui, moi j'approuve de l'islam et de la charia. Et j'accepte tout. Qu'est-ce qui est dans la charia de l'islam? Ça y est, ils vont te peinturer ton image comme si tu es le pire des êtres humains sur la terre. Comme si tu mérites même pas de vivre ou de respirer l'air que les êtres humains respirent. Que t'es même pas, tu mérites même pas d'exister. C'est comme ça qu'ils vont te traiter. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Hein? Et difficile à supporter. Mais il faut, malgré tout, être fort et être capable de tenir tête, justement, à ces gens-là, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu t'enterres que tu t'enterres et que tu disparaisses. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu disparaisses et que tu sois invisible, qu'on te voit pas, qu'on t'entend pas et que tu te fasses le plus absent possible. Mais lorsque tu refuses ça et que tu continues à prêcher la vérité, défendre le haqq, clarifier l'islam, alors là, alhamdoulillah, hein, Allah, il te donne le secours et la victoire. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh, il dit, wa annahu la yazhadu bil haqqi li qillati la yuzhadu bil haqqi li qillati man yattabi'uhu min al-an. Hein, لو تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك أو تدعو إلى إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وتنهى عن التقعيد، قالوا لا يوجد مسلم ولا مؤمن إلا أنت. أكثر الناس ليسوا على هذا الكلام، أكثرهم يدعون الموتى ويدعون القبور ويعني يؤولون الصفات، فهل هم كلهم على ضلال إلا أنت؟ كذا تقول هذه المقالة ونسمعها، كذا تقال هذه المقالة ونسمعها ونقرأها دائما، وهي كلام باطل، لأن الحق لا يعرف بكثرة الناس ولا بقلتهم، الحق يعرف بدليله من الكتاب والسنة، ولو لم يكن عليه أحد، ولو لم يكن عليه إلا قليل، فهو الحق لا يتغير. Donc ici le cheikh il donne un point qui confirme et qui clarifie tout ce que on vient d'expliquer par avant, c'est que il dit tu dois pas délaisser la vérité à cause du petit nombre de ceux qui suivent la vérité. Tu dis ah, c'est juste ce petit groupe là qui sont sur la vérité et les autres sont pas sur la vérité, ça c'est pas possible. Ah, je veux pas les suivre, parce que si c'était la vérité là, il devait y avoir une masse de monde qui était d'accord avec. Mais si c'est pas la masse là qui est d'accord avec ça, ça veut dire que c'est pas la vérité. Non, moi je le suis pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rejettes la vérité parce qu'il y a peu de gens qui la suivent. Alors ça veut dire que tu te prives de suivre la vérité pour quelque chose qui est pas un argument valable. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit maintenant là, par exemple, si toi tu commences à appeler au tawhid, tu commences à appeler les musulmans au tawhid, et tu commences à dire que le shirk c'est interdit, shirk c'est haram, et tu appelles à affirmer les noms et les attributs d'Allah, tels que Allah les a révélés. Hein? Tu dis oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, il entend. Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, comme il l'a mentionné, et il a un noble visage, et ainsi de suite. Et il n'y a rien qui lui ressemble. Donc tu affirmes ce qu'Allah a affirmé. Et tu interdis tout ce qui est contraire à la sunna. Eux, ils vont dire quoi? Le cheikh, il dit, eux, ils vont dire, quoi, il n'y a pas d'autres musulmans ou de croyants excepté toi? C'est seulement toi qui as compris? C'est seulement toi qui es sur la vérité? Tout le monde est dans le faux? Donc, on entend souvent ce genre de discours-là. Et des fois, on entend des gens, par exemple, ils vont dire, ah, vous pensez c'est juste vous, les salafis, qui sont sur la vérité? Les autres musulmans, ils sont tous perdus dans l'égarement. Et y a des gens qui ne savent pas répondre à ça. Ils ne savent pas répondre à ça. Ils sont dans l'embarras. Et quand on leur demande ça, ils disent, ah, mais je ne sais pas, là, non, c'est pas comme ça. Et le cheikh, il dit, la plupart des gens, parce que c'est ça les arguments, ils disent, il n'y a personne qui est sur la vérité sauf toi. Il dit, la plupart des gens, ils ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. La plupart des gens ne sont pas d'accord avec ce que vous dites au sujet du tawhid. Par exemple, ils disent, la majorité des musulmans sur terre, ils adorent des tombes, ils prient à des morts, ils font des doigts au tombeau, ils déforment le sens des attributs d'Allah, ils ne font pas la salat. La majorité des femmes musulmanes ne portent pas le hijab selon la charia. Donc c'est juste vous qui vous êtes sur la vérité seulement, puis tous les autres musulmans sont dans l'égarement. Eh bien, le cheikh, il dit, ben, qu'est-ce que tu dis? Et la réalité, c'est que la vérité, c'est la vérité. Peu importe que ça plaise aux gens ou que ça ne plaise pas. Et si il y a juste, c'est ça que le cheikh, il dit, cette parole, elle est totalement fausse à la base. Et on doit rejeter ce genre de questions et ce genre de propos parce que la vérité, elle ne doit pas être connue par rapport à la quantité de gens ou par le peu de gens qui la suivent. C'est-à-dire, si c'est beaucoup, c'est la vérité. Ou si c'est peu, c'est la vérité. Non, ça n'a pas rapport avec le nombre. La vérité se détermine par rapport à la preuve dans le Coran et dans la Sunna. Même s'il n'y a personne sur terre qui suit. Supposons que tous les musulmans sur terre décidaient qu'ils arrêtent de suivre la sunna. Est-ce que ça veut dire que de ne pas suivre la sunna, ça devient la vérité maintenant? Non, ça c'est pas permis. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, il disait, « Al-haq an takuna ala ta'atillah wa in kunta wahdak » C'est-à-dire la vérité, ou bien il disait al-jama'a, c'est ça, il disait al-jama'a, c'est-à-dire, c'est la vérité, c'est que tu sois sur l'obéissance d'Allah, même si tu es tout seul. C'est ça la vérité. Donc, ce n'est pas une question de nombre. Donc, même si c'était juste toi qui étais sur la vérité, parce que tu t'accroches au Coran et à la Sunna, alors c'est toi qui es sur la vérité. Pas parce que c'est toi qui le suis. Pas parce que c'est toi qui le dis. Pas parce que c'est toi, parce que c'est en accord avec le Coran et la Sunna. La vérité, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Donc, si tu es en accord avec le Coran et la Sunna, tu es sur le haq. Même s'il n'y a personne d'autre que toi qui suit cette vérité-là. Même si, il y a une grande majorité de musulmans qui contredisent cette Sunna. C'est toi qui es sur la vérité, même si tu es tout seul sur cette vérité-là. Ce n'est pas la quantité qui détermine qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai. Quand tu regardes, par exemple, moi j'ai remarqué ça, tu viens dans une mosquée, tu vois la majorité des musulmans qui prient dans la mosquée, regardent leur pantalon, leur bas de pantalon. Et tu vas remarquer une chose, la plupart, leur pantalon est en bas de la cheville. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar. C'est ce qui est en bas des chevilles, c'est dans le feu. Alors, si tu regardes la majorité des gens, tu vas dire, moi, je vois que tout le monde laisse leurs pantalons en bas de la cheville, donc moi, je vais laisser mes pantalons en bas de la cheville. Pourquoi? Parce que la majorité font ça. Donc ça veut dire que toi, tu regardes pas qu'est-ce qui est établi par le Coran et la Sunna. Tu regardes qu'est-ce que les gens font. Puis tu te bases sur ça pour dire c'est ça qui est correct. Alors ça, c'est une erreur. Tu ne dois pas faire ça. La référence pour nous, les musulmans, c'est pas qu'est-ce que les gens font ou qu'est-ce que les gens font pas. C'est qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna authentique. Si c'est ça qui est dans le Coran, dans la Sunna, alors on le suit, c'est ça le haq. Et c'est aussi simple que ça en réalité. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des prophètes qui vont venir au jour de la résurrection, avec eux, il y a seulement un ou deux. Personne qui les a suivis, juste un ou deux. Et il y a d'autres prophètes, ils viennent tout seuls. Il n'y a personne qui a accepté. Il n'y a personne qui a cru en eux. Hein? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas regarder le nombre, il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre. Après, le cheikh, il dit, Rufi Ali, sawadun azim. Yani sawadun azim, al-kathra, al-kathra, yani khalqun kathirun. Fadhanantu annahum ummati. Dhanna, sallallahu alayhi wa sallam, annahum ummatahu. Annahum ummatuhu. لأنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا فقيل لي هذا موسى وقومه فهذا دليل على فضل قوم موسى وأنه أتبعه الأكثرون من قومه وآمنوا به وهذا قبل التبديل والتغيير في بني إسرائيل ولذلك اختارهم الله على العالمين وفضلهم على العالمين يعني عالم زمانهم وهذا في أول الأمر قبل التحريف والتبديل وكان منهم مؤمنون كثيرون على الحق ولكن لما دخل التغيير والتبديل تغير الوضع كثيرا عما كان في زمن موسى عليه السلام وزمن الأنبياء الذين جاءوا من بعده عليه السلام عليهم السلام ثم رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. Donc ici le cheikh il explique par la suite du hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui a dit hein, il dit on m'a fait voir par la suite une grande masse de monde سواد عظيم hein, une masse c'est comme une foule de monde hein, et c'était un grand nombre de personnes. Il dit, alors j'ai pensé que c'était ma umma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je pensais que c'était ma umma. Pourquoi? Parce que le prophète qui a le plus de gens qui l'ont suivi, parmi tous les messagers, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand il a vu ce grand nombre de personnes, cette masse, cette foule de gens, il a cru que c'était sa umma. Et on lui a dit, ça c'est Moussa et son peuple. Hein? Alors ça c'est la preuve que le peuple de Moussa, il a un grand mérite. Et il dit, et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi parmi son peuple et qui ont cru en lui. Mais il dit, mais ça, c'était avant qu'il y ait la falsification et le changement dans les fils d'Israël. Il dit, c'est pour ça que Allah, il mentionne dans le Coran que Allah les a choisis parmi tous les hommes, il les a élus. Hein? C'est pour ça qu'on disait que Banu Israël, c'est le peuple élu, le peuple choisi par Allah. Et Allah les a préférés sur tous les mondes. Hein? Et le cheikh dit, c'est-à-dire sur tous les mondes de leur époque, hein, à leur époque à eux. Et il dit, et ça c'était au début, avant qu'il y ait des falsifications dans la religion et des changements. Et il dit, il y avait donc parmi eux beaucoup de croyants qui étaient sur la vérité et qui ont suivi le vrai message de Moussa alayhi salam. Sauf que par la suite, des changements sont apparus. Hein, et les choses se sont transformées par la suite hein, et sont devenues très différentes de ce que les choses étaient à l'époque de Moussa alayhi salam. Et il dit donc que c'est la même chose également pour l'époque des prophètes qui sont venus après Moussa alayhi salam. Il dit, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a montré une autre masse de monde, hein, une autre foule, une grande masse, immense. Il y en a Sawad. Sawad, ça veut dire une noirceur, tellement il y a du monde, tu vois des gens, des fois une grande masse de monde, tu vois pas les gens, mais tu vois juste une grosse masse, hein, sombre, noire, en voulant dire, il y en a tellement, hein, que tu peux pas les dénombrer ou les calculer, les compter, c'est comme une grosse masse seulement, hein. Et donc il dit, j'ai vu cette grande masse et on m'a dit, voici ta umma. Hein? Voici ta umma. Et le cheikh il dit, hada fihi fadlu hada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fadlu ummatihi wa annahum aktharu al-umam dukhulan lil janna hatta jaa fi al-hadith annahum nisfu ahli al-janna wa jaa fi al-hadith al-akhar annahum thulutha ahli al-janna wa qila li hadhihi ummatuka ma'ahum 70 alfan يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا محل الشاهد من الحديث. Donc le cheikh il dit que ensuite on lui a dit ça c'est ta umma et il a dit le cheikh il dit ça c'est le signe du mérite de la umma le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mérite de sa umma. Il dit et que ils seront parmi toutes les nations des messagers précédents, ils seront la nation qui aura le plus de gens qui vont entrer au paradis. Donc, quand tu regardes tous les gens qui ont vécu avant notre umma, les umma précédentes, tous les prophètes qui ont été envoyés, celui qui aura la plus grande proportion de personnes qui vont rentrer au paradis, c'est la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et même que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je souhaite que vous soyez la moitié des habitants du paradis. La moitié des habitants du paradis. Et dans une autre narration, il dit que vous soyez thulutha ahl al-jannah, c'est-à-dire deux tiers, hein, même plus que la moitié. Donc, ça veut dire que les musulmans de cette umma, de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux sont la plus grande partie des habitants du paradis par rapport aux nations précédentes. Et il dit ensuite, par rapport à ça, et on m'a dit, ceci est ta umma, et parmi eux, il y a 70 000 qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Et c'est ça le point qu'on essaie d'établir par rapport à ce hadith-là. Donc, toute l'histoire du hadith, le cheikh, il l'a mentionné dans son livre uniquement pour établir cette partie-là, hein, ou ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens parmi la umma qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Hein. Ils vont direct au paradis. Et il dit, « ثُمَّ نَهَضَ صلى الله عليه وسلم أي قام فدخل منزله يعني فدخل منزله ولم يبين لهم من هم هؤلاء السبعون ألف ولحرص الصحابة على الخير بحثوا من هم هؤلاء السبعون ألف يريدون أن يقتدوا بهم وهذا من حرص السلف على الخير والعمل به ما اعتبروا هذا الخبر أمر عادي بل اهتموا به فخاض الناس في أولئك يعني بحثوا عنهم من هم فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فضل الصحابة يعني الصحابة هم أفضل الأمة وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء وهذا فيه جواز الاجتهاد والبحث عن العلم وأن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه من هم هؤلاء الألف السبعون ألف. Donc le cheikh il dit, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, il leur a dit il y a 70 qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment, puis il s'est levé puis il est rentré chez lui sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne leur a pas expliqué qui sont les 70 000. Et les sahabas, parce que eux, ils désirent vraiment savoir la vérité, ils aiment chercher, ils aiment comprendre. Alors, ils se sont posé la question entre eux, c'est qui les 70 000 hein? Et ils ont commencé à essayer de deviner qui ça peut être. Et parce qu'ils veulent les prendre comme exemple, ils veulent leur ressembler, ils veulent faire partie de ces 70 000-là. Hein? Moi, je te dis, par exemple, il y en a 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Toi, tu n'as pas envie d'être parmi eux? Bien sûr que tu as envie d'être parmi eux. Donc, ça veut dire que tu veux savoir qui ils sont pour être capable de faire comme eux, puis pour faire partie d'eux. Hein? Et c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on souhaite. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à essayer de deviner qui sont ces 70 000. Et ils n'ont pas pris ça comme une information ordinaire ou comme quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais c'est comme si en voulant dire, ah, oh, mais il a dit ça, mais c'est pas grave. Non, les sahaba, ils étaient vraiment, ils se sentaient concernés par tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et ils prenaient ça au sérieux. Et ils voulaient faire les efforts pour essayer de se mettre en ligne avec l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Alors, ils ont pris ça au sérieux et ils ont commencé à essayer de trouver qui ils sont. Alors, certains ont dit, c'est probablement ceux qui ont été les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ils ont pensé que c'était les sahaba. Pourquoi? Parce que les sahaba, ils ont un grand mérite et parce que ce sont eux les meilleurs de cette ummah. Puis ensuite, certains d'entre eux ont dit, probablement que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais fait de shirk avec Allah ou qui n'ont rien associé rien avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils sont nés dans l'islam. Hein? Tandis que beaucoup d'entre les sahaba sont nés avant l'islam, c'est-à-dire avant l'islam, ils étaient dans le shirk où ils ont pratiqué d'autres voies. Hein? Et ensuite, ils ont été guidés à l'islam. Tandis que parmi les sahaba, il y en a ceux qui sont nés yani dans des familles musulmanes, parce que les sahaba qui se sont convertis quand ils ont eu des enfants, hein, eh bien, leurs enfants sont nés musulmans, ils sont grandis dans l'islam. Donc, eux, certains parmi les gens ont dit, peut-être que ce sont ceux-là, les 70 000, ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais fait de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit, ils ont mentionné également plusieurs autres choses. Et le cheikh, il dit, ça, c'est ce qui démontre qu'il est permis de faire des efforts pour chercher dans la science et apprendre des choses par rapport à l'islam en faisant des efforts de chercher la vérité, de faire des efforts pour comprendre. Et ça, c'est en même temps aussi, c'était l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, Fakharaja alayhim, il est sorti vers eux, puis ils ont dit, c'est qui les 70 000 au messager d'Allah? Hein? Faqala, humul ladhina la yastarqun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yani hum as-sab'una alf. لا يسترقون يعني لا يطلبون من الناس الرقية تجنبا لمذلة السؤال والحاجة إلى غير الله وإن كان السؤال عند الحاجة جائزا ولكن تركه أفضل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا فكان أحدهم يسقط صوته لا أحد يقول لأحد ناولني إياه بل هو ينزل ويأخذه وفاء بالبيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu aux sahaba. Il leur a dit qui sont ces 70 000? Et il a dit ce sont ceux qui ne demandent pas à quelqu'un aux autres qu'on leur fasse la ruqya. Hein? S'ils ont besoin de ruqya, ils se le font à eux-mêmes. Ne demandent pas aux autres. Wala yaktawun. Ils n'ont pas recours à al-kay pour faire un traitement comme al-kay, c'est un genre de fer chaud qu'on place à certains points et c'est de la médecine traditionnelle. Hein, pour guérir certaines maladies, ça existait chez les bédouins à l'époque. Et un autre exemple qu'il a mentionné, c'est Wala yatatayyaroun, c'est-à-dire ils ne vont pas. Baser leurs actions sur des mauvais présages ou sur des superstitions. Hein? Ils mettent leur confiance en Allah. Hein? Ils mettent leur confiance en Allah et non pas sur des choses en dehors d'Allah. Ils mettent leur confiance uniquement en Allah. C'est eux les 70 000. C'est-à-dire ceux qui perfectionnent et qui ont parfait leur tawhid. Hein? Ceux qui ont parfait et complété leur tawhid en mettant leur confiance en Allah seulement. C'est eux qui vont être parmi ces 70 000-là. Et le cheikh, il a expliqué que la yastarqoun, c'est-à-dire ceux qui ne demandent pas aux gens de leur faire la ruqya, c'est quoi la raison? C'est pour parce qu'ils veulent éviter de se rabaisser ou de s'humilier en demandant quoi que ce soit aux autres. Ils veulent rien demander à personne. Il dit ça, c'est parce qu'ils veulent avoir besoin que d'Allah seulement. Ils veulent avoir besoin de personne d'autre. Et donc, même des choses qui sont permises de demander, ils ne le demandent pas. Même les choses permises, ils ne le demandent pas. Et il dit, même si, à la base, demander à quelqu'un de nous faire la ruqya lorsqu'on a un besoin, il dit ça, c'est permis. Hein? C'est-à-dire, tu as le droit de dire à quelqu'un si tu es malade ou si tu as un problème, tu dis à quelqu'un, « Akhi, tu peux me faire la ruqya ?» Il n'y a pas de mal de faire ça, si tu as un besoin. Mais il dit, mais par contre, de le laisser, c'est mieux. C'est-à-dire, de ne pas le demander, c'est préférable. Hein? Et il dit ensuite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait donné l'allégeance à certains d'entre les sahabas. Hein? Parmi les clauses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait pris dans l'allégeance qu'il avait donnée à certains d'entre les sahabas, il y avait... parmi les clauses de cette allégeance ou de ce serment d'allégeance, le point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit, qu'ils ne devaient rien demander à personne. Il dit, j'accepte votre bay'a à condition que vous ne demandiez rien à personne. Et les sahaba, parmi eux, il y avait Abu Bakr radiallahu anhu qui avait accepté, qui avait fait cette bay'a-là. Et le cheikh, il explique que il respectait cet engagement et cette allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point tel que même si l'un d'entre eux allait monter sur leur chameau, hein, et vous savez, quand on veut monter sur un chameau, là, en général, c'est pas si facile. Hein, il faut que le chameau il doit s'asseoir en premier. Puis après, tu dois monter dessus. Puis après ça, il va se lever. Hein? Il va se lever, puis là, ça y est, tu es prêt pour partir. Mais si tu as échappé ton fouet, hein, que tu vas utiliser pour faire avancer le chameau, tu l'échappes par terre. Ça veut dire que tu es obligé de faire descendre, de faire asseoir le chameau, descendre encore une fois, aller le prendre, remonter dessus, faire relever le chameau encore une fois. C'est beaucoup. Alors, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si ces sahabas tellement, ils voulaient respecter cet engagement qu'ils ont pris avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque l'un d'entre eux échappait son fouet, alors qu'il est monté sur son chameau, il ne disait même pas à quelqu'un, ramasse-le pour moi, s'il te plaît. Hein? Ils descendaient eux-mêmes pour le prendre, pour garder, hein, l'entente et l'engagement qu'ils ont pris avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan et authentifié par Cheikh Al-Albani. Le Cheikh, il dit ensuite, « Wala yaktawun. Al-kay ilajun ma'roufun wa nafi'un bi'ithnillahi iza wafaqa mahallahu nafa'allahu bihi. Li'annahu yahsimu da' walakin nazaran lima fihi min at-ta'zibi bin-nar » فإنه مكروه كراهية تنزيه فهم تركوا الكي من أجل ما فيه من الكراهية. Donc le cheikh, il dit ولا يكتوون, et الكي, يعني c'est pas quelque chose qui est trop répandu à notre époque, mais moi j'ai vu quand j'étais en Arabie Saoudite des gens qui avaient recours à ça pour certaines maladies. C'est comme un morceau de métal qu'ils font chauffer, puis ils l'appliquent à certains points, dans certains endroits sur le corps. Puis ça, c'est un traitement pour certaines maladies. D'accord? Et le cheikh, il explique que c'est un remède qui est connu, qui est bénéfique par la permission d'Allah. Lorsqu'il est fait à la bonne place, Allah peut le rendre profitable pour la personne. Et il bloque ou il stoppe la maladie ou il empêche la maladie. Et il dit que, étant donné qu'il y a une partie de un certain châtiment dans le traitement parce que ça demande d'employer du feu et de se brûler à certains endroits, de faire des brûlures à certains endroits. À cause de ça, c'est détestable. À cause de ça, c'est quelque chose qui est détestable et c'est préférable de ne pas le faire. Hein? Donc ceux qui abandonnent ou qui délaissent le fait d'avoir recours à ce traitement-là, à cause du fait que c'est détesté, eh bien ça c'est préférable, c'est mieux. Hein? Ces gens-là sont donc, hein, ils font ce qui est le plus correct. Et après, il mentionne l'autre point. Wala yatatayyarun. التطير هو التشاؤم بالأشخاص أو بالطيور أو بالأماكن أو بالأزمنة. الإنسان يتطير بها ويعتقد فيها السوء فيترك حاجته ويعدل عما عزم عليه تأثرا بالطيرة، وهذا شرك وسيأتي له باب خاص. Donc le cheikh il explique que at-tatayyur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, par exemple, que c'est qu'est-ce qu'on appelle les mauvais présages ou les superstitions. Si, par exemple, quelqu'un, il a un mauvais présage à propos par rapport à une personne. Tu vois une personne qui est défigurée ou qui a une apparence épeurante ou quelque chose comme ça. Puis ça te donne un mauvais présage. Hein? Donc, tu vas refuser de lui faire sadaqa ou de faire quelque chose parce que à cause de son apparence ou qui est repoussante ou des choses comme ça. Ou bien par rapport au fait que, un exemple aussi qu'il a mentionné, c'est les oiseaux. Par exemple, il y a des gens, s'ils voient des corbeaux dans la rue, hein, ils sortent puis ils voient des corbeaux qui crient là, ils vont dire, ah, ça c'est un mauvais présage. C'est un oiseau de malheur. Si je passe par là, il va m'arriver quelque chose. Donc, ils retournent puis ils passent par un autre chemin. Ça, c'est un exemple de tatayur. Ça, c'est pas permis. Ou bien, dans certains lieux, il y a certains endroits, par exemple, les gens ils disent, ah, cet endroit-là, c'est un endroit, hein, il faut pas passer par là. Si tu passes par là, il va t'arriver un malheur ou quelque chose comme ça. Ou bien, un moment en particulier. Il y a un exemple de superstition qui est très connu, qui est très répandu ici en Occident, c'est le vendredi 13, par exemple. Les gens ils disent le vendredi 13, c'est un jour de malheur. Si tu, faut pas faire telle chose, faut pas voyager, faut pas faire ça. Hein? Même il y a des gens, par exemple, qui ont tellement peur du chiffre 13, ils vont même pas mettre un étage numéro 13 dans un immeuble. Hein? Tu vois que ça passe de 12 à 14. Il n'y a pas le 13. Hein? Et aussi, des fois, même dans les appartements, dans un immeuble, l'appartement, ça passe de 12 à 14, il n'y a pas le 13. Hein? Pourquoi? À cause de la superstition. Ça rentre dans At-Tatayyur. D'accord? Ça a un rapport avec At-Tatayyur. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ça pour plein de petites affaires. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, hein, ma grand-mère, elle avait plein d'idées comme ça. Ah, on a échappé un couteau. Ah, t'as échappé un couteau, ça va amener du malheur. Il faut jeter du sel en arrière. Hein? Il faut toucher à du bois. Il faut faire ci, il faut faire ça. Hein? Des porte-bonheur, ils mettent des porte-bonheur partout, hein, pour soi-disant repousser le mal ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des exemples de shirk. Le cheikh, il dit tout ça a un rapport avec le shirk. Et il pense qu'il y a quelque chose qui va lui arriver de mal s'il le fait. Alors, il laisse tomber ce qu'il avait l'intention de faire parce qu'il a peur, hein, des mauvais présages. Et ça rentre dans le shirk. Hein. Il y a un chapitre même dans le livre de Kitab al-Tawhid spécifiquement sur At-Tatayyur. Donc, on va y revenir et on va en parler beaucoup plus en détail plus loin. Puis, le dernier point que le cheikh a mentionné, il a dit, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ هذه الصفة الرابعة الذي حملهم على ترك هذه الأمور هو التوكل على الله. تركوا المكروهات والمحرمات المكروهات هي طلب الرقية بسؤال الناس والكي والمحرم الطيرة كما سبق ولكم في تعريف تحقيق التوحيد أنه تجنب الشرك بجميع أنواعه وتجنب البدع وتجنب المحدثات في الدين والخرافات، وهؤلاء هم السابقون والمقربون الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعد المباحات احتياطا، فلذلك صاروا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا مطابق للترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا هو الشاهد من الحديث. Donc le cheikh il explique que ce sont ceux qui mettent leur confiance en leur Seigneur. Le cheikh il dit cette quatrième caractéristique de ceux qui font partie des 70 000, c'est ça en fait qui les a poussés ou qui les a amenés à délaisser les autres aspects précédents. Le fait qu'ils mettent leur confiance en Allah, ça les a amenés à délaisser ce qui est détestable et à délaisser ce qui est interdit. Et parmi les choses détestables qui ont été mentionnées dans le hadith, c'est le fait de demander la ruqya aux gens ou de faire al-kay. Ça, c'est des choses détestables. Et qu'est-ce qui est haram dans le hadith? Qu'est-ce qui est mentionné? C'est al-tiyara. Al-tiyara, ça fait partie du shirk, donc c'est haram. Et le sheikh, il dit que on voit comme ça a été clarifié dans la définition, ou pas, plutôt dans le titre du chapitre, Bab man haqqaqa at-tawhid. On a expliqué que tahqiq at-tawhid, ça voulait dire de purifier notre tawhid pour faire en sorte qu'il soit écarté et exempt de toute chose qui pourrait l'annuler ou l'affaiblir. Hein? Et parmi ces exemples, pour que ton tawhid soit purifié et qu'il soit complet, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'écarter du shirk, que ce soit le shirk mineur ou le shirk majeur, et aussi du kufr, aussi mineur et majeur. Une fois que tu t'es écarté de ça, eh bien, c'est pas fini. Pour que ton tawhid soit complet encore, il faut t'écarter de toutes les bid'ah, les innovations, qu'elles soient mukaffira ou ghair mukaffira. Tu t'écartes de toutes les innovations. Et ça, est-ce que ça veut dire que ton tawhid il est complet? Pas encore. Il faut aussi, pour qu'il soit parfait et complet, que tu t'écartes également des péchés. Hein? Des péchés, kaba'ir ou sara'ir. Kaba'ir ou sara'ir. Et si tu tombes dans un péché, ou dans un shirk, ou dans quelque chose qui contredit, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Est-ce que ça veut dire que tu ne peux plus faire partie des 70 000 et d'avoir complété ton tawhid? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire maintenant que tu dois te repentir. Tu dois faire tawba pour pouvoir remettre ta page blanche et pour revenir à neuf. Et pour que tu puisses justement, encore une fois, purifier ton tawhid et compléter ton tawhid. Donc tu t'es écarté de ce qui est shirk majeur et mineur, de ce qui est kufr majeur et mineur, de ce qui est bid'ah, de ce qui est khurafa, tout ce qui est inventé dans la religion. Ensuite, tu t'es écarté des péchés, des kaba'ir et des sara'ir. Et il dit, et non seulement ça, tu t'es même parfois aussi écarté de certaines choses qui sont permises par précaution pour éviter de tomber dans ce qui est haram. Mais ça, c'est le niveau des awliya, des rapprochés d'Allah, des serviteurs pieux et qui ont vraiment complété leur tawhid. Ceux-là, ils rentrent direct au paradis, sans jugement ni châtiment. Hein? C'est ça que ça veut dire. Et il dit « وَهَذَا هُوَ مَحَلُ الشَّاهِدِ هَذَا هُوَ الشَّاهِدِ مِنَ الْحَدِيثِ » Et ça, c'est ce qui montre que c'est en conformité avec le hadith, il est en conformité avec le titre du chapitre de celui qui a purifié son tawhid, il entre au paradis sans jugement ni châtiment. Et il dit, et c'est ça qu'on établit par rapport à ce hadith-là, il dit « وَلَيْسَ هَذَا وَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَّ تَرْكَ الْأَسْبَابِ مَطْلُوبٌ مِنَ الْمُسْلِمِ » Là, bel fi'l al-asbab matloub ma'a at-tawakkul 'ala Allah. Donc il dit ça veut pas dire que le musulman il doit pas faire les causes nécessaires. C'est-à-dire si tu es malade, tu vas dire mais je vais pas prendre de médicaments, puis je vais pas aller voir le docteur, je vais pas me soigner. parce que je mets ma confiance en Allah. Non. Tu prends les causes avec le fait de mettre ta confiance en Allah en même temps aussi. Et ça implique que tu vas savoir que peu importe ce que tu fais, même si tu prends al-asbab, le sabab ou la cause, elle ne va pas pouvoir produire un effet positif excepté par la permission d'Allah. Hein? Ça dit, tu peux prendre les causes parfois, puis ça marche. Puis tu vas prendre les causes parfois, puis ça va pas marcher. Tout ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit, voilà, budda min fi'li l'asbab al-matloub. Il dit, wa haoula'i lam yatruku l'asbab, wa innama taraku asbaban makruha. Amma l'asbab allati la tukrah, fa'innahu yajibu l'akhdhu biha. Donc il dit, le cheikh, il dit, ceux-là, ils n'ont pas délaissé les causes. Ils ont uniquement délaissé des causes qui sont interdites. Donc il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la dunya et dans la religion, il y a des causes. Il y a des causes qui peuvent être permises et des causes qui peuvent être interdites aussi. Hein? Et il y a des causes qui peuvent être détestables. Donc, les causes qui sont permises, tu es obligé de les prendre. Hein? Quand c'est nécessaire, tu es obligé de les prendre. Tu ne peux pas dire, je vais mettre ma confiance en Allah. Non, tu dois prendre ces causes-là. Tandis que si c'est des choses qui sont makruh ou haram, si c'est makruh, tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais si c'est haram, tu es obligé de ne pas le faire. Hein? Ça, c'est important de comprendre. Et ensuite, le cheikh, il dit, donc les causes qui sont bénéfiques et qui ne sont pas détestables, il est obligatoire de les prendre. Et donc, il n'est pas permis de laisser tomber les causes bénéfiques. Là, il y a juste un tark al-asbab al-nafi'a. Wa yuqalu yakfi at-tawakkul 'ala Allah. كما أنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها بل لا بد من الأمرين. Donc tu peux pas dire je laisse les causes et je mets ma confiance en Allah, et il n'est pas non plus permis de dire je laisse la confiance en Allah et je mets seulement ma confiance en les causes, parce que ça c'est de l'égarement aussi. Il faut que les deux soient réunis, al-i'timad 'ala Allah wa al-akhdh bil asbab. Donc, le fait de se reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre notre confiance en lui et de prendre les causes nécessaires. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera, inshallah, la suite au prochain cours. Attendez, je pense que c'est mieux que je termine l'explication de ce point-là, sinon on va manquer un petit bout là. Donc, il reste juste quelques explications, puis après on va s'arrêter. Il dit, نعم والأخذ بالأسباب أما المكروه فتركها حسن أما المكروه فتركها أحسن ومن ذلك الكي وطلب الرقية من الناس والمكروه إذا احتاج الإنسان إلى والمكروه إذا احتاج الإنسان إليه تزول الكراهة. إذ يحتاج الإنسان إلى الكي يكتوي وتزول الكراهة، وإذا احتاج الإنسان إلى الرقية وهو يحسن يعني يرقى نفسه، ولا جاء أحد يرقيه ابتداء وهو بحاجة إلى الرقية تزول الكراهة، فيطلب من أهل الخير أن يرقيه. فالمكروه إذا احتاج إليه تزول الكراهة، ولكن مع عدم الحاجة إليه تركه أحسن، وهذا من تحقيق التوحيد. ولما سمع عكاشة، donc on va s'arrêter ici. Ouais. C'est à ce point-là que on s'arrête, parce que là on a vraiment expliqué la fin de l'explication sur ce point-là en particulier. Le cheikh, il explique que qu'est-ce qui est détestable parmi les causes, c'est mieux de les délaisser, comme l'utiliser al-kay, le fer chaud, ou bien de demander à quelqu'un de faire la ruqya pour toi. Ça, c'est préférable de le délaisser. Mais si il dit, le cheikh, mais qu'est-ce qui est détestable si la personne, elle en a besoin, hein? Alors, dans ce cas-là, le fait que la chose soit détestable, ça disparaît. Dans ce cas-là, c'est plus détestable parce que tu as un besoin de cette chose-là. Et il y a une règle, en fait, dans la charia à ce sujet-là, c'est que, yani, comme on dit, si quelque chose est haram, eh bien, ça veut dire la chose, elle est interdite, mais quand il y a une nécessité, elle devient halal. D'accord? Qu'est-ce qui est haram? S'il y a une nécessité, ça devient halal. Ça, c'est dans les choses qui ont rapport avec, hein, la vie des gens. Si, par exemple, on va dire que quelqu'un, il est dans un endroit où il n'y a rien à manger, il va mourir de faim, et il trouve, par exemple, un oiseau mort ou bien un animal mort par terre qui n'a pas été égorgé par le nom d'Allah, tu vas dire, bon, soit que je mange cet animal-là ou que je meurs. Lequel des deux? Eh bien, tu vas manger. Il y a un exemple, une histoire que j'ai entendue, j'ai vu ça sur Internet. Il y a des gens qui s'étaient écrasés dans les montagnes avec un avion pendant je sais pas combien de temps avant que les secours arrivent. Et parmi les gens dans l'avion, il y en a qui sont morts. Étant donné qu'il y a de la neige, ils les ont enterrés dans la neige pour préserver leur corps. Et à un moment donné, ils avaient tellement faim, ils n'avaient plus rien à manger. Alors ils ont commencé à manger des restants de ces morts-là pour rester en vie. Donc, c'est quoi le hukum par rapport à ça? C'est que pour la nécessité, pour pouvoir rester vivant, pour pas mourir, dans ce cas-là, c'est permis d'en manger pour éviter la mort. Mais il faut pas non plus dépasser la limite de la nécessité. Hein? Ça dit, tu vas pas te remplir le ventre, hein, manger comme... non, tu manges la quantité, le minimum pour rester en vie. D'accord? Et ça, c'est un exemple. Tandis que qu'est-ce qui est makrouh? C'est pas la nécessité qui le rend, disons, non makrouh. Qu'est-ce qui cesse de le rendre makrouh? C'est le besoin, al-haja. D'accord? Donc il y a une différence entre al-daroura ou al-haja. Al-daroura, c'est une nécessité. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Al-haja, c'est le besoin. D'accord? Donc, si quelque chose est makrouh et tu as un besoin de cette chose, alors ça devient, hein, non makrouh. C'est plus détestable dans ce cas-là. Et donc, dans ce cas-là, le cheikh, il explique ici. Il dit, donc, qu'est-ce qui est makrouh si l'être humain, il en a besoin? Eh bien, cette détestabilité, si on veut, elle disparaît pour cette personne-là à cause de son besoin. Donc, il peut avoir recours à qu'est-ce qu'on appelle al-kay, hein, le fer chaud, ou bien yani, de demander à quelqu'un la ruqya s'il en a besoin. Il n'y a aucun mal à ça et ça n'affecte pas la perfection de son tawhid dans ce cas-là parce qu'il en a un besoin. Hein, donc il va demander, s'il y a personne qui vient lui offrir de le faire pour lui, il va demander à ceux parmi les gens du bien de lui faire la ruqya. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Hein, et le cheikh il dit que le makrouh, c'est hein, le makrouh, si tu en as besoin, eh bien c'est plus makrouh dans ce cas-là. Toutefois, toutefois, s'il n'y en a pas de besoin, c'est mieux de le laisser. Hein. Et c'est ça ce qui purifie ton tawhid. Donc ça c'est ce qui vient conclure donc cette partie de l'explication du hadith. Il reste encore des petits détails à expliquer, mais on va le faire inshallah la prochaine fois. Hein? Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.